Donc le point de départ de cet exposé sera une question très générale. Hein. Pourquoi certains décident tandis que d'autres obéissent? C'est une question qu'on peut comprendre de diverses manières. Moi, je vais m'intéresser à deux façons de la comprendre, selon l'échelle à laquelle on la pose. Alors peut-être, je ne sais pas si tu l'as dit, mais donc moi je suis économiste, je vais essayer de ne pas trop employer de jargon, de termes incompréhensibles. Bon, on fera des pauses pour voir s'il y a des questions, si c'est suffisamment clair ce que j'essaye d'expliquer. Donc je disais, cette question peut se poser à deux niveaux. D'abord au niveau de la société. Elle renvoie alors à la genèse même de la division en classes de la société, hein, d'où vient la division sociale. On va pour l'instant laisser cette interrogation de côté pour nous tourner vers la seconde signification du sujet, à savoir pourquoi, cette fois-ci dans une unité de production, c'est-à-dire dans une entreprise par exemple, certains décident tandis que d'autres obéissent. Donc ça revient à s'interroger au niveau d'une entreprise sur le rôle des directeurs, des gérants, des surveillants, des contremaîtres, etc. Quel rôle est-ce qu'ils jouent exactement dans la mobilisation de la force de travail et donc dans la production? Alors, on ne va évidemment pas épuiser le sujet, mais ce que je vous propose, c'est d'en discuter à partir du texte qui était disponible, hein, celui de Stephen Marglin. Et avant de vous présenter Stephen Marglin, je vais dire quelques mots sur les enjeux qui sont liés à cette problématique. Une idée assez répandue, c'est que la hiérarchie pyramidale qu'on observe généralement dans les entreprises correspond à une nécessité technique. D'ailleurs, pour traiter de cette division du travail, au sein de l'entreprise, on parle parfois de division technique du travail. Hein, même Stephen Marglin, l'auteur dont je vais parler tout à l'heure, qui critique cette vision-là, il reprend ce vocabulaire. Hein, il emploie le terme de division technique du travail. Comme si la technique déterminait la division du travail, qui déterminait elle-même la hiérarchie, l'organisation. Dans cette perspective, l'organisation du travail et la hiérarchie qui prévalent dans les entreprises capitalistes ne peuvent pas être remises en cause, sauf à partir d'une critique de la technique elle-même, hein, puisque on pense que c'est la technique elle-même qui est à la base de ce type d'organisation. Et là, on trouve des courants du type ludites, hein, donc les ludites, comme vous le savez sûrement, c'est un mouvement qui apparaît en 1811, de mouvement de briseurs de machines, Lud étant un personnage mythique de la fin du XVIIIe siècle qui aurait détruit des machines dans le secteur textile. Et puis on trouve aujourd'hui des résurgences de ce type de mouvement, de tous les courants contemporains qu'on peut qualifier de courants anti-industriels. Hein, donc ça, c'est une première voie. Si on accepte ce déterminisme technique, ben c'est de remettre en cause la technique elle-même. Ou alors, deuxième possibilité, si on considère la technique moderne comme un acquis qu'il ne faut pas remettre en cause, un acquis sur lequel s'appuyer pour construire une société, disons, post-capitaliste, quel que soit le nom qu'on donne à cette société, il faut alors accepter le maintien de cette organisation du travail. Et là, on a un autre exemple, un triste exemple, c'est celui de l'expérience soviétique. Alors, c'est ce que dit Marglin dès le début de son texte. Je le cite, il dit que l'Union soviétique a répété l'histoire du capitalisme, au moins en ce qui concerne la relation des hommes et des femmes à leur travail. Et il note que cela s'est fait consciemment et délibérément. Il ne justifie pas ça. Il me semble qu'il a néanmoins raison, c'est-à-dire que ça n'est pas là un résultat inattendu, une déformation progressive de l'organisation du travail qui prévalait en, disons, 1918, 19, 1920. Le problème n'apparaît pas seulement à partir de la propagande stakhanoviste, hein, du nom de cette propagande mise en place par Staline dans les années 30 pour obtenir une augmentation des cadences en donnant comme exemple le fameux ouvrier Stakhanov. Ça ne date pas non plus du communisme de guerre, hein, ce qu'on a appelé le communisme de guerre, au cours duquel sont apparus les fameux samedis communistes, qui étaient ces journées durant lesquelles on pouvait arracher du travail supplémentaire aux ouvriers dans une organisation qui présentait toutes les caractéristiques du taylorisme. Alors, je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est le taylorisme. Je ne sais pas s'il faut faire un petit détour pour le réexpliquer. Ou... Hein, donc, bon, je m'étends pas. Hein, une organisation du travail en Union soviétique, hein, dès les premières années, qui présentait toutes ses caractéristiques, à savoir une hiérarchie pyramidale, une séparation entre les travailleurs manuels et administratifs, etc. Et en 1919, un des principaux dirigeants de l'époque, hein, donc Lénine, veut généraliser ces samedis communistes en prenant exemple sur ces cheminots qui avaient poursuivi bénévolement le travail pour réparer des locomotives. Alors c'est vrai qu'il faut avoir en tête les circonstances de l'époque, hein, du fait de la guerre civile, le ravitaillement est une question absolument vitale, et de ce fait, comme l'écrit par exemple Robert Linhart, hein, qui a écrit un ouvrage assez intéressant sur le sujet, qui s'appelle « Lénine, les paysans et Taylor », de ce fait, écrit-il, les chemins de fer, devenus pour les bolcheviks une véritable obsession, ont servi de terrain privilégié pour les expériences d'organisation du travail. Or, le secteur ferroviaire, hein, comment est-ce qu'il est conçu, comment est-ce qu'il fonctionne? Il doit fonctionner dans tout le pays selon un mécanisme unique, standardisé, il exige la régularité, la normalisation, et le taylorisme soviétique va être calqué sur ce secteur. Et on peut même remonter encore en arrière, hein, donc là vous voyez qu'on est très loin du stakhanovisme des années 30. Linhart rappelle aussi que dès 1914, Lénine expliquait deux choses, hein, pour ce qui nous intéresse ici. D'une part, que ce qui garantit la possibilité, selon lui, du passage au socialisme, c'est le fait qu'il réduira la journée de travail et que donc ça permettra aux travailleurs de libérer du temps pour pouvoir exercer les fonctions de direction, pour pouvoir diriger l'État, hein, les fonctions de direction, pas dans l'entreprise, hein, les fonctions de direction politique. Et puis, il explique d'autre part que cette réduction serait elle-même rendue possible par la généralisation d'une standardisation du travail manuel, d'une rationalisation taylorienne de son organisation. Et donc on voit que la suppression entre le travail manuel et le travail intellectuel, c'est quelque chose qui peut-être adviendra dans un futur très éloigné, mais ça n'est pas conçu comme un acte délibéré, hein, comme un résultat qu'il faut rechercher. Au contraire, ce serait l'aboutissement ultime du développement des forces productives, etc. Alors je vous lis une citation de Lénine qui va dans ce sens. Hein. « L'expropriation des capitalistes entraînera nécessairement un développement prodigieux des forces productives de la société humaine, mais quelle sera la rapidité de ce développement? Quand aboutira-t-il à une rupture de la division du travail, à la suppression de l'opposition entre travail intellectuel et travail manuel, à la transformation du travail en premier besoin vital? C'est ce que nous ne pouvons pas savoir. » Et donc Lénine va assumer d'aggraver la division du travail et de renforcer la structure autoritaire dans les lieux de production comme une condition d'un accroissement de la productivité qui permettra la réduction du temps de travail et donc la participation des ouvriers à toutes les tâches politiques. Dernière citation que je vous donne de Lénine, hein, cette discipline de fabrique que le prolétariat étendra à toute la société n'est en aucun cas notre but final, elle représente seulement une étape nécessaire. Bon, évidemment, c'est une étape qui s'est révélée mortelle, hein, puisque on sait ce qu'il en est advenu de l'économie soviétique, hein, disons même de la société soviétique. Donc on a là, si on en reste ici, une vision assez pessimiste des choses, hein, puisqu'on est alors coincé entre deux visions. D'un côté, une vision réactionnaire, se débarrasser de toutes les techniques modernes, et puis une vision conservatrice. Et Mark Glynn, l'auteur que je vais vous présenter dans un instant, en est parfaitement conscient, hein, puisqu'il écrit dès la première page de l'ouvrage la chose suivante: « En revenir aux rouées est évidemment absurde, et si le producteur doit classiquement recevoir des ordres, c'est-à-dire recevoir des ordres de la même façon qu'aujourd'hui, on voit mal comment le travail pourrait dans l'ensemble ne pas être aliénant. » Donc l'enjeu pour Mark Glynn, ça va être en remettant en cause le déterminisme technique qui est à l'origine de ces deux visions-là, et bien d'interroger en fait derrière, en filigrane, la possibilité de l'autogestion, hein, même si il ne développe pas sur l'autogestion elle-même, mais il interroge constamment sa possibilité même. Alors d'abord, qui est Mark Glynn, hein, donc Stephen Mark Glynn, c'est un auteur américain qui est né en 1938, qui a soutenu en 1965 à Harvard une thèse d'économie plutôt orthodoxe, hein, plutôt standard, plutôt disons dans le champ de l'économie dominante, qui portait sur les rendements croissants. Et après une année passé au MIT, il est devenu enseignant titulaire à Harvard. Alors pour comprendre comment ce jeune docteur en économie, assez orthodoxe, a pu écrire l'ouvrage dont vous avez lu quelques extraits avant le séminaire, eh bien, il faut bien sûr s'intéresser au contexte de l'époque. La fin des années 60, hein, c'est une période d'intense lutte sociale. Après le mouvement des droits civiques, les luttes féministes, c'est véritablement l'opposition à la guerre du Vietnam qui, sur les campus américains, va enflammer un certain nombre d'étudiants, dont Marglin, qui déclare au sujet des années 60 la chose suivante. Je pensais qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre faire de l'économie dominante 5 jours par semaine et manifester pendant les week-ends. La fin des années 60, avec la montée sur les campus universitaires du mouvement s'opposant à la guerre, m'a poussé, ainsi que beaucoup d'autres, à reconsidérer cela. Et donc à partir de là, il a modifié ses recherches, ses lectures, sa réflexion. Alors, en avril 1968, une association étudiante, le Student for a Democratic Society, organise ce qu'ils appelaient 10 jours de résistance, et c'est un événement important dans ce mouvement-là, puisqu'il va se solder par une répression très importante, notamment à l'université de Columbia, avec 200 blessés, 700 arrestations. Et durant l'été qui suit, c'est probablement pas un hasard, est créé l'Union for Radical Political Economics, l'association pour une économie politique radicale. Et donc, le courant dont fait partie Marglin et un certain nombre d'autres auteurs que je citerai, va être qualifié de courant radical à cause du nom de cette association. Alors, comme dans de nombreuses autres sciences sociales à l'époque, il s'agissait surtout pour cette association-là d'élaborer un enseignement alternatif, de présenter aux étudiants autre chose que l'économie standard, l'économie orthodoxe. C'est une association qui rassemblait surtout des étudiants en thèse d'économie, mais qui était aussi ouverte à des non-économistes, des non-universitaires. C'est une association qui était foncièrement anti-hiérarchique, ce qui est important pour notre sujet, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas de président, elle ne distribue pas de distinctions honorifiques, etc. Et donc, cette association va rapidement éditer de nombreux manuels et mener des activités d'éducation populaire. Alors, l'Union for Radical Political Economics, ça n'est pas une association marxiste, mais elle se réfère souvent, parmi diverses influences, des manuscrits de 1844, donc un texte dit de jeunesse. Par conséquent, se réfère aussi souvent à la notion d'aliénation. En revanche, la notion d'exploitation est beaucoup moins présente dans ce corpus. Et se revendiquent parfois de ce qu'ils appellent un marxisme humaniste. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans la première phrase de l'article qui était disponible avant le séminaire, Marglin s'interroge en ces termes, je cite, « Le travail peut-il favoriser l'épanouissement individuel dans une société industrielle complexe, ou bien l'aliénation dans le travail est-elle le prix à payer pour la prospérité matérielle ?» Un mot problématique qu'on sent effectivement très influencé par ce marxisme humaniste. Alors il a publié différents articles, Marglin. Il a notamment coordonné un ouvrage dont certains ont peut-être entendu parler qui s'appelle The Golden Age of Capitalism. Mais l'article qui nous intéresse ici a été rédigé en 1970. Il circule sous forme d'un document de travail avant d'être publié en 1974. Et il s'intitule, je vous donne le titre original, What do bosses do? The origins and functions of hierarchy in capitalist production. En fait, il y aura une première traduction française de ce texte dans un recueil que j'ai apporté là, si jamais vous tombez dessus. Donc dans un recueil qui est publié à l'époque par André Gorce, qui dirige à l'époque la revue Les Temps Modernes, donc critique de la division sociale du travail. C'est une traduction qui fait connaître Marglin en France, avant même que son texte ne paraisse aux États-Unis, puisque le texte original paraît en 1974, alors que le bouquin de Gorce, c'est en 1973. Malheureusement, cette traduction, elle est incomplète. Et on verra que les passages qui ont été supprimés modifient le sens de l'article. en tout cas peuvent modifier l'interprétation qu'on en fait. Et le titre lui-même est modifié, hein, puisque, alors que le titre aurait dû être traduit par quelque chose comme « Que font les patrons ?», ici c'est « À quoi servent les patrons ?». Et puis le terme hiérarchie aussi disparaît du titre. Alors dans ce recueil d'André Gors, le texte de Marglin est précédé d'un extrait du Capital de Marx, suivi d'un texte de Gors sur le despotisme d'usine. Et puis il y a une seconde traduction française, celle qui a été en partie mise à votre disposition, qui est publiée en 2004 par un collègue qui s'appelle Bruno Tinel, donc aux éditions ENS, avec cette fois-ci une traduction complète, et puis une excellente introduction dont je vous recommande la lecture. Donc après cette brève présentation, à moins que vous n'ayez déjà des questions sur le contexte, l'auteur, donc je vais directement passer à la critique de la division du travail par Marglin, hein, ou en tout cas une synthèse de ce qu'écrit Marglin à ce sujet. Alors les expériences autogestionnaires sont extrêmement rares, brèves, partielles. Et puis, écrit Marglin, en outre, dans une société dont les institutions de base, des écoles aux usines, sont adaptées à la hiérarchie, toute tentative de changement ponctuel est probablement vouée à l'échec. Et par conséquent, Marglin estime qu'on ne peut pas utiliser la méthode expérimentale, hein, pour comparer la production dans un cadre autogestionnaire avec la production capitaliste contemporaine. La science sociale repose au final sur l'expérience, bien sûr, mais elle ne peut pas utiliser la méthode expérimentale. Dès lors, la critique de l'organisation capitaliste du travail ne peut pas se fonder sur la comparaison de deux systèmes. Et donc, sa critique de la division du travail va se fonder sur l'histoire. Il pose la question suivante, pourquoi au cours du développement capitaliste, le véritable producteur a-t-il perdu le contrôle de la production ? Hein, dans quelles circonstances la hiérarchie capitaliste s'est-elle imposée ? Et sa thèse est la suivante, ni le putting out system, alors ce qu'on traduit parfois par travail à domicile, je vais y revenir, ni le système de la fabrique ne doivent leur apparition à leur supériorité technique. Hein, donc c'est bien une réflexion historique. Il observe l'apparition de deux organisations du travail et de la production. Donc d'un côté, ce qu'on appelle le putting out system, hein, donc littéralement c'est le travail placé, qui prévaut notamment dans l'ouest de l'Angleterre au début de ce qu'on a appelé la révolution industrielle. Donc il s'agit du travail à domicile de familles qui reçoivent la matière première de la part d'un capitaliste drapier, hein, puisqu'il s'agit du secteur textile, ce qu'on appelle gentleman clothier, et il leur achète le produit fini. Hein, et chaque famille est chargée d'une étape de la production. Alors pour faire sa comparaison, il faut bien sûr que Marglin précise le critère qu'il va employer. Et là, il fait un rappel essentiel au sujet de ce qu'on appelle efficacité. Bien sûr, on parle souvent d'efficacité, productivité. Quand on s'interroge, hein, sur la signification de ces termes, Marglin rappelle d'abord une chose triviale, une méthode de production est jugée supérieure si elle produit davantage d'output. L'output, c'est tout ce qui sort de l'entreprise avec les mêmes inputs. Les mêmes facteurs de production. Donc ça, c'est assez évident. Hein, si tout à coup, avec la même quantité de travail, de terre, de capital, vous arrivez à produire davantage, alors on dit que la technique est supérieure. Mais il ajoute, et c'est un point très important, qu'un effort plus intensif correspond à davantage d'input. Hein, autrement dit, quand vous arrivez, en termes marxistes, à augmenter le taux d'exploitation, ça n'est pas nécessairement une hausse de productivité. Hein. Il y a davantage de travail, même si ce travail a lieu, par exemple, dans une même durée qu'auparavant. Hein. Donc au sens strict, une intensification du travail, ça n'est pas une augmentation de la productivité. Alors, je l'ai décomposé. Donc d'abord, le système de division du travail. Il prend l'exemple du putting out system, mais il réexamine aussi, Marglin réexamine aussi la première est la plus célèbre théorie de la division du travail. Quand je dis la première, il y a eu évidemment d'autres écrits qui ont traité de la division du travail avant Adam Smith, hein, mais pas sous cet angle et pas d'une façon aussi développée. Donc il va d'abord relire Adam Smith. Hein. Donc le texte de Smith, c'est son ouvrage de 1776, hein, Recherche ou Enquête, selon les traductions, sur la nature et les causes de la richesse des nations. Dans ce texte-là, enfin, c'est un ouvrage assez volumineux, Smith critique les systèmes mercantiles et physiocrates. Les économistes, hein, en général, n'ont retenu que la main invisible, terme qui apparaît de façon extrêmement rapide dans l'ouvrage. Le contexte historique, c'est bien sûr celui de la première grande révolution industrielle. Hein, 1776, c'est aussi le dépôt d'un des premiers brevets sur la machine à vapeur de Watt. Et donc, l'industrialisation, l'urbanisation vont bouleverser la société britannique. Smith, c'est d'abord un observateur de ce phénomène, mais c'est aussi un lecteur de l'encyclopédie, hein, l'encyclopédie des philosophes français. Et donc, à la fois par observation et en lisant l'article épingle de l'encyclopédie, il va donner une description de la manufacture d'épingles et plus particulièrement de la division du travail dans une manufacture d'épingles, hein, qui est l'exemple canonique qui est donné à tous les étudiants pour leur expliquer ce que c'est que la division du travail. Alors ça se passe dans le premier livre, hein, je vous ai dit c'est un ouvrage assez volumineux. Il y a 5 livres, et dans le premier livre, qui s'intitule « Des causes qui ont perfectionné les facultés productives du travail et de l'ordre suivant lequel ces produits se distribuent naturellement dans les différentes classes du peuple », eh bien on voit que Smith traite de deux sujets, les facultés productives du travail et la répartition des produits donc du travail, entre différentes classes sociales, hein, puisque Smith est un auteur classique qui a donc encore une vision de l'économie à partir des classes sociales. Or, la division du travail, eh bien, c'est une notion qui est impliquée dans ces deux sujets, puisque c'est à la fois une cause de perfectionnement des facultés productives du travail et une explication de la division en classe de la société. Donc Smith va d'abord décrire la division du travail à l'intérieur d'une manufacture, hein, l'exemple de la manufacture d'épingles. Donc il s'agit de la décomposition de la production d'une entreprise en de nombreuses opérations ou tâches élémentaires. Donc cette division de la production d'une entreprise dans de nombreuses tâches élémentaires, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la parcellisation. Hein, parcellisation des tâches, ou division du travail, division technique du travail, dans ce sens-là. Alors Smith donne les raisons qui font, selon lui, de la division technique une organisation plus productive. La division du travail, c'est une spécialisation des travailleurs productifs, puisque... je viens de le dire, on décompose en des tâches élémentaires, et ça va accroître l'efficacité de leur travail. Donc il y a d'abord un aspect très descriptif, hein, il montre qu'on peut décomposer la production de quelque chose d'aussi simple qu'une épingle en 18 tâches. Hein, donc tirer le fil de métal, couper, etc., etc. Et si chaque ouvrier effectue ses 18 opérations lui-même, sa productivité sera au maximum, dit Smith, de 20 épingles par jour. Mais si chaque ouvrier effectue seulement une de ses opérations, hein, et puis ensuite passe le résultat de son travail au suivant, la productivité croît énormément, puisqu'on passe de 20 épingles par jour à 4800 épingles par jour, et par ouvrier toujours. Hein. Alors les trois arguments qui expliquent, selon Smith, ce bond de productivité sont les suivants. Premièrement, le gain de temps. Épargner le temps qui se perd en passant d'une sorte d'ouvrage à un autre. Deuxièmement, l'habileté accrue des travailleurs spécialisés, hein, la dextérité d'une personne qui n'a eu dans sa vie d'autre occupation que celle-là est beaucoup plus grande, nous dit Smith. Et puis troisième source de productivité, c'est l'amélioration des techniques. Et là, Smith explique que avec cette division du travail, il peut y avoir une innovation réalisée par de simples ouvriers. Autrement dit, le progrès technique va s'accélérer. Évidemment, il y a une histoire des techniques avant le capitalisme. Hein. Mais pourquoi est-ce que le progrès technique va s'accélérer? Eh bien, Smith dit que c'est à la division du travail qu'est due l'invention de toutes ces machines propres à abréger et faciliter le travail, quand l'attention d'un homme est toute dirigée vers un objet, il est bien plus propre à découvrir les méthodes les plus promptes pour l'atteindre. À ces trois arguments de Smith, eh bien, Stephen Marglin va opposer trois objections. D'abord, sur l'économie de temps, Marglin remarque que l'économie de temps exige la séparation des activités, mais pas la spécialisation. Et d'ailleurs, Smith emploie les deux termes de façon indifférente. C'est-à-dire que Marglin pense probablement ici à l'autogestion, ou en tout cas un système dans lequel chacun serait tour à tour affecté à chacune des tâches de la manufacture. Dans ce cas, il y a bien séparation des tâches, mais chacun joue un rôle différent, selon les jours ou les semaines ou les mois. Le gain de temps est conservé, pourvu que la rotation ne soit pas trop rapide. Un ouvrier qui accomplirait une nouvelle tâche chaque semaine perdrait très peu de temps à passer d'une tâche à l'autre. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'être spécialisé. Ce qu'il faut, c'est bien définir et séparer les tâches et qui fait quoi à quel moment. Deuxième contre-argument, donc je rappelle l'argument de Smith, le deuxième, c'était l'habileté, la dextérité accrue. Alors pour Marglin, il s'agit du seul fondement à la spécialisation, mais il ne fonctionne que si les qualifications nécessaires sont élevées. Par exemple pour un chirurgien. Oui, le chirurgien doit être spécialisé. En revanche, plus les tâches sont simples, plus le temps d'apprentissage est court. Or, je cite Marglin, à en juger par les rémunérations des différents spécialistes engagés dans la fabrication d'épingles, il n'y avait pas là de qualification particulière, tout au moins n'y avait-il personne pour exiger un salaire supérieur. Donc là, son raisonnement, c'est en regardant les salaires qui étaient payés, de dire, visiblement, ce n'est pas un travail de spécialiste, c'est du travail qu'on peut apprendre facilement, sans quoi ces travailleurs seraient indispensables, ils ne seraient pas interchangeables, et donc ils auraient un salaire plus élevé. Troisième contre-argument de Marglin, c'est que les innovations, il pense qu'elles sont plutôt effectuées par l'ouvrier dont la marge de manœuvre est suffisamment importante pour percevoir comment chaque opération se combine avec l'ensemble. D'autant que Smith lance un avertissement, c'est-à-dire qu'il y a dans l'œuvre même de Smith un contre-argument. Il lance un avertissement sur les effets pervers de la division du travail qui, dit-il, abrutit les travailleurs. Marx parlera d'aliénation. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Smith, contrairement à l'image d'ultra-libéral qu'on lui prête, donne comme priorité l'éducation. Et donc, Marglin aurait même pu ajouter que Smith fournit une seconde critique de son argument. Bon, ça, Marglin ne le dit pas, mais il me semble que c'est une remarque qu'on peut faire. Lorsque Smith explique que les inventions techniques sont surtout l'œuvre d'une classe spécialisée, les savants, et que c'est l'apparition de ces savants, en tant que classe entretenue par le prince, etc., qui va, grâce à la division cette fois-ci sociale du travail, et non pas la division technique, va permettre, à partir de la Renaissance, une accélération du progrès technique. Bon, où veut en venir Marglin ? Il veut démontrer que les éléments avancés par Smith sont empiriquement faux et que la division du travail, dans le cadre de la manufacture, a pour fonction non pas une plus grande efficience, une plus grande efficacité, mais un plus grand contrôle sur les ouvriers. Donc il a une explication en termes de pouvoir. La division technique ou la division parcellaire du travail est une déclinaison d'un vieux principe, diviser pour régner. C'est le terme qu'emploie Marglin. C'est-à-dire que en subdivisant le processus de production, les capitalistes se rendent indispensables. Donc pour lui, fondamentalement pour Marglin, la division du travail, c'est avant tout diviser pour régner, c'est avant tout le meilleur moyen pour le capitaliste de se rendre indispensable. Il dit, plutôt il écrit, qu'ils acquièrent un rôle essentiel dans le processus de production, celui de rassembler les efforts séparés des travailleurs en un produit marchand. Alors ça, c'était l'analyse par Marglin de ce qui se passe avec la division du travail, notamment le putting out system. Malgré cette dépendance des travailleurs, qui est ici mise en avant par Marglin, dépendance vis-à-vis de leur employeur, il reste maître à ce stade historique, de la manière dont se déroule leur travail. Et donc, l'étape suivante va consister pour les capitalistes à rassembler les ouvriers en un même lieu, la fabrique, pour contrôler, cette fois-ci, leur travail, hein, le travail lui-même. Donc, ces deux changements, division du travail et contrôle du processus de travail, pour Marlin, hein, ils ne proviennent pas, ni l'un ni l'autre, d'un changement technique. Bien sûr, il y a eu progrès technique. Bien sûr, entre la fin du XVIIIe siècle et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès techniques. Marlin ne le nie pas. Mais ce qu'il explique, c'est que la discipline aurait de toute façon diminué les coûts en augmentant l'intensité du travail, même en l'absence de progrès techniques. Et que donc, en quelque sorte, le progrès technique vient en plus. Et que ça n'est pas, selon lui, l'explication primordiale de cette organisation du travail-là. Alors, peut-être intéressant, en tout cas c'est ce que je vous propose, de comparer ici la thèse de Marglin avec ce qu'écrit Marx sur le sujet. Il y a des ressemblances, évidemment, des divergences. Premier point, selon Marglin, finalement, avec cette organisation du travail, les capitalistes savent se rendre indispensables. Et pour Marx, c'est vrai, dans le sens où les producteurs sont devenus dépendants. Je rappelle que, notamment dans le Capital, mais aussi dans un ouvrage posthume qui s'appelle l'Anti-Döring, Marx fait une histoire des modes de production. Hein, il explique comment, à l'origine, dans des sociétés primitives, tout le monde exerce toutes les activités. Peu à peu apparaît un surplus permanent, une première forme de surproduit social, c'est-à-dire une production qui dépasse le nécessaire à l'entretien de la force de travail. Et l'existence de ce surplus, c'est aussi une condition du développement de l'agriculture, de l'élevage, parce que ce sont des activités qui exigent l'utilisation de semences, d'animaux à des fins non directement alimentaires. Bon, ça, c'est première étape, hein, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Puis, une sorte de sophistication avec l'invention de la jachère et de l'irrigation, qui va accroître ce surplus, et en devenant un surplus permanent, la société va pouvoir alors nourrir des milliers d'hommes et de femmes qui ne participent plus directement à la production de nourriture. Donc chaque artisan peut se spécialiser et se perfectionner. Il y a alors, à ce stade-là, dit Marx, une dépendance des producteurs dans la consommation, puisque chacun s'est spécialisé, hein, c'est la division sociale du travail, l'apparition des métiers. Ils ne sont plus autonomes, ils ne sont plus polyvalents. En revanche, ils demeurent indépendants dans la production. Il existe encore aujourd'hui une toute petite partie de la population constitué de non-salariés, hein, qui sont des producteurs indépendants. Bon, mais c'était évidemment, à cette époque, la classe majoritaire. Alors, ils sont indépendants, ça veut dire qu'ils pourraient vendre le produit de leur travail. Ça, c'est un point très important. Hein. À la fin du processus de production, le producteur peut vendre le produit de son travail. Et pour Marx, l'esclavage est la forme la plus simple de cette division du travail. D'un côté, le travail manuel simple, de l'autre, quelques maîtres qui sont occupés à la direction du travail, au commerce, aux affaires de l'État et plus tard aux activités scientifiques. Alors, il y a des présupposés supplémentaires, bien sûr, hein, ça, ce ne sont pas des facteurs suffisants pour expliquer l'histoire économique de l'humanité, ce serait un peu prétentieux. Parmi les nombreux facteurs supplémentaires, ça suppose évidemment une telle division que la population ait atteint une certaine taille, que ces différents groupes puissent utiliser des moyens de communication, de transport, et donc ce sont là des facteurs d'approfondissement de la division sociale du travail, et c'est d'ailleurs ce qu'écrit aussi Adam Smith. Hein, et souvent, il faut se méfier de ce que Smith appelle le marché, ça n'est rien d'autre que des moyens de transport, hein, façon de mettre en relation des groupes les uns avec les autres. Cette division du travail dans la société va ensuite, étape suivante, finir par atteindre les lieux de production. Et là, je cite Marx, la division manufacturière du travail, hein, donc dans la manufacture dont parle Smith, ne prend racine que là où sa division sociale est déjà parvenue à un certain degré de développement, division que par contre-coup, elle développe et multiplie. Donc là, ce qui est très important, c'est que Marx distingue clairement les deux types de division du travail, division technique, division sociale, et en dépit de cette relation entre les deux, il existe entre elles une différence essentielle. Laquelle, je vais vous lire la citation dans laquelle Marx critique Smith, et il me semble que sur ce point, Marx et Marguin font une lecture commune de Smith. Donc c'est un extrait du Capital. On peut facilement se figurer avec Adam Smith que cette division sociale du travail ne se distingue de la division manufacturière, pardon, que subjectivement. C'est-à-dire que l'observateur voit ici d'un coup d'œil les différents travaux partiels à la fois, tandis que là, leur dispersion sur un vaste espace et le grand nombre des ouvriers occupés à chaque travail particulier ne lui permettent pas de saisir leur rapport d'ensemble. Mais qu'est-ce qui constitue le rapport entre les travaux indépendants de l'éleveur de bétail, du tanneur et du cordonnier? C'est que leurs produits respectifs sont des marchandises. Et qu'est-ce qui caractérise au contraire la division manufacturière du travail? C'est que les travailleurs parcellaires ne produisent pas de marchandises. Ce n'est que leur produit collectif qui devient marchandise. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. L'artisan, celui qui a un métier, à la fin du processus de production, il a un produit. S'il le porte sur le marché, qu'il le vend, ça devient une marchandise. En revanche, dans la manufacture, le travailleur spécialisé, là où il y a division technique du travail, eh bien, le produit de son travail n'est pas une marchandise. C'est simplement une étape de la production qu'il peut faire suivre à son collègue. Alors, deux remarques à ce sujet. La première, c'est que si ce qu'on appelle parfois la science économique n'était pas pétrie d'idéologie, la prise en compte de cette simple remarque de Marx aurait pu nous épargner tout ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle économie institutionnelle et les théories de l'entreprise qui sont fondées sur les travaux de Coase, Williamson, etc. Dans ces théories sans classe sociale, sans rapport de subordination, savoir qui embauche qui n'a aucune importance. Bon, ça c'est une citation, savoir qui embauche qui n'a aucune importance, de Samuelson, hein, prix Nobel d'économie, auteur du manuel d'économie le plus vendu au monde, avec je ne sais plus combien d'éditions depuis les années 50. C'est une citation que donne Marguin, hein, pour expliquer comment, par ricochet, par contre-coup, sa critique de la division du travail, c'est aussi une façon de montrer les lacunes et les inepties de la théorie orthodoxe dominante, hein, pour laquelle savoir qui embauche qui n'a aucune importance. Deuxième remarque, les critiques que Marx et Marguin adressent à Smith se ressemblent donc sur un point. Smith raisonne en termes de classe sociale, certes, mais il ne tient pas compte du fait que les producteurs sont devenus dépendants. Alors on peut néanmoins, éventuellement en poursuivant à l'aide de Marx, critiquer la vision de Marguin. C'est-à-dire que ici, théories de Marguin et de Marx vont commencer à diverger. Marguin se focalise en fait sur le rôle de la connaissance. C'est parce qu'ils sont maintenus dans l'ignorance, nous dit-il, ignorance de l'ensemble du processus de production, que les ouvriers ne peuvent intégrer la totalité de l'activité et donc se passer du capitaliste. Si un salarié avait les connaissances nécessaires, il pourrait devenir lui-même capitaliste. Je cite Marguin, « Quant aux travailleurs assez fins pour s'en rendre compte, ils pouvaient, dans les sociétés relativement mobiles où s'enracinait la révolution industrielle, rejoindre les rangs des exploiteurs. » Donc pour Marguin, le seul obstacle, ou disons en tout cas l'obstacle principal pour se passer du capitaliste, hein, que font les patrons? Eh bien, ils ne font finalement que rassembler le travail d'autrui. Pour se passer de lui, le seul obstacle, c'est un obstacle cognitif, hein, relatif à la connaissance. Alors, l'idée développée par Marguin, selon laquelle les explications techniques ne suffisent pas à expliquer la division du travail, c'est une idée qu'on trouve, je l'ai dit, chez Marx, qu'on trouve aussi chez un auteur très important qui s'appelle Charles Babbage, hein, qui est mathématicien, économiste anglais. En 1832, il publie le traité sur l'économie des machines et des manufactures. Ça a été remis au goût du jour dans un ouvrage publié chez Maspero pour la version française par Harry Braverman. Et ce que disent chacun à leur manière Marx et Babbage, c'est qu'avec la parcellisation des tâches, avec la division du travail, le capitaliste n'a besoin que de travail simple. Le but, c'est de simplifier les opérations afin de n'embaucher que la main-d'œuvre nécessaire, ça c'est ce que va dire Babbage, et surtout, comme va l'expliquer Marx, afin de faire en sorte que la concurrence s'accroisse du côté des travailleurs. C'est-à-dire que les salariés devenant interchangeables, ça va accroître la concurrence entre travailleurs et faire baisser les salaires. Et c'est ça l'explication fondamentale pour Marx, et c'est ce que ne voit pas Mark Lynn, des avantages, disons, pour le capitaliste, de la division du travail. Hein, c'est la possibilité de mettre en concurrence de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus violente, les travailleurs entre eux. Et donc, tout à l'heure, dans une des citations que je vous ai données de Mark Lynn, il disait qu'il n'y avait personne pouvant exiger un salaire supérieur. Vous vous souvenez, Mark Lynn utilisait cet argument pour dire que c'est le signe que c'est du travail qui n'est pas très compliqué, que donc on peut penser que l'argument de Smith concernant l'apprentissage ne vaut pas. Hein, ça vaut pour le chirurgien, mais ça ne vaut pas pour ce qui se passe dans la manufacture d'épingles. Mais pourquoi dans la manufacture d'épingles n'y a-t-il personne pouvant exiger un salaire supérieur? C'est justement parce que les salariés sont devenus interchangeables et ils n'ont plus aucun pouvoir de négociation vis-à-vis de leur patron, leur employeur. Et donc là, il y a un problème de causalité chez Mark Lynn, en tout cas si on adopte ce point de vue marxiste. Alors, lorsqu'il se demande, hein, lorsque Mark Lynn s'interroge sur ce qui empêche l'ouvrier d'aller directement sur le marché et de court-circuiter son patron, hein, je vous ai dit tout à l'heure que le putting out system, ce sont des familles en Angleterre auxquelles le maître drapier capitaliste va apporter la matière première, hein, chacun fait une étape de production et puis lui il vient chercher le produit. Eh bien, lorsqu'il se demande ce qui empêche ces ouvriers d'aller directement sur le marché, Mark Lynn mentionne un problème de connaissance. Ils sont isolés, ce sont des familles éloignées les unes des autres. Hein. On dissout en quelque sorte les vieux liens communautaires. Et Mark Lynn, en revanche, ne mentionne pas, comme obstacle, sinon principal, au moins essentiel, les rapports de propriété, c'est-à-dire le fait qu'un ouvrier ne possède pas de capital. Hein. Il dépend du maître qui va lui apporter à la fois les matières premières et puis de quoi vivre pendant le cycle de production. Ou plutôt, pour être plus juste, Mark Lynn l'évoque deux fois, mais très brièvement et de façon très partielle. Et donc je pense que c'est intéressant de voir la façon dont il le fait. Alors, si j'ai emporté ça. Alors d'abord, à travers un exemple, hein, il donne l'exemple d'un cordonnier que je vais vous lire. Il dit « Cette histoire a un parallèle récent. Je connais un homme qui, pendant un temps, fabriqua des sandales. Pour apprendre le métier, il s'engagea chez un maître fabricant de sandales. Le brave homme lui apprit systématiquement tous les secrets du métier, sauf l'art d'acheter le cuir. Mon ami aurait pu apprendre de lui-même cet aspect capital du métier, par la bonne vieille méthode du tâtonnement, s'il avait disposé du millier de dollars nécessaires pour faire face aux erreurs inhérentes au processus d'apprentissage. N'ayant pas le capital, le refus par son patron de partager une compétence particulière l'a efficacement contraint à demeurer employé. » Donc là, on voit que c'est parce qu'il n'a pas de capital qu'il ne peut pas acquérir la connaissance. Hein, il y a toujours cet argument de la connaissance. Ce n'est pas le capital en tant que tel ici, c'est le capital comme obstacle à l'acquisition d'une connaissance qui permettrait à l'ouvrier de devenir indépendant. Donc, il évoque cette question de la propriété ici, mais on voit bien qu'il ne passe pas à l'étape suivante, hein, et donc il ne mentionne pas vraiment l'influence fondamentale des rapports de propriété. Deuxième passage dans lequel Mark Lynn mentionne ce problème, alors c'est un passage qui a été supprimé dans la traduction française qui a été donnée par André Gorce, et donc ça modifie un petit peu le sens du texte ou l'interprétation qu'on peut en faire. Ce sont les avances sur salaire, ce que les économistes classiques appellent le fonds de salaire. Ça n'est pas tout le capital, mais c'est cette partie du capital qui permet aux producteurs, aux ouvriers, eh bien, tout simplement de survivre pendant le cycle de production. Alors, le fait de mentionner ces avances sur salaire est assez surprenant. Si Mark Lynn était conséquent, cela devrait le conduire à conclure que la division du travail ne résulte pas principalement fondamentalement d'un éclatement des connaissances, hein, puisque même en connaissant l'ensemble du processus de fabrication, l'ouvrier ne peut pas survivre au cycle de production s'il ne dispose pas d'un petit capital. Alors, évidemment, la question suivante hein, qu'on pourrait se poser, que Mark Lynn ne pose pas, hein, sa réflexion, en tout cas dans ce texte, s'arrête à peu près ici, c'est Eh bien, d'où provient le capital? Qu'est-ce que le capital? Bon, très vaste question à laquelle on ne va pas répondre ici. Marx indique que les deux questions, qu'est-ce que le capital, qu'est-ce que le travail salarié, sont en fait deux interrogations qui forment une seule et même question. Hein. Il écrit par exemple que la condition du capital est le salariat. Dans une précédente séance de séminaire, Cédric Durand, qui est ici, vous a exposé la notion d'accumulation par dépossession de David Harvey, et pour cela, il vous a présenté la réflexion de Marx concernant l'accumulation primitive, hein, puisque la réponse à cette question, en fait, c'est l'accumulation primitive, qui est évoquée par Smith, mais Marx considérait que Smith se trompait hein, sur l'origine de cette accumulation primitive, et il utilise de nombreuses pages du Capital pour montrer que cette accumulation-là est une histoire qui s'inscrit en lettres de feu et de sang, une histoire de dépossession. Et donc, il affirme que fondamentalement, l'origine de ce capital consiste à séparer les moyens de production et de subsistance du travail, hein, à transformer les moyens de subsistance en capital et les travailleurs directs en salariés. Donc ça nécessite évidemment des ruptures historiques. On n'est pas, comme chez Smith, dans une vision de l'histoire où il y a une évolution très progressive. Hein. Il y a bien là une rupture, c'est le passage d'un mode de production à un autre, dit Marx. Autrement dit, l'instauration des rapports de production capitaliste ne résulte pas d'un processus progressif, mais de rupture extra-économique. Alors Marx, tout comme Karl Polanyi, indique un certain nombre de ces ruptures. Depuis, il y a eu des travaux, notamment d'histoire économique, qui ont éventuellement revu à la marge leur thèse, ajouté d'autres facteurs, etc. C'est notamment les enclosures, hein, qui finalement ont exproprié les paysans de leurs terres, et donc les ont rendus dépendants. C'est l'interdiction des corporations féodales, etc. Je ne développe pas davantage. Un dernier point, avant de laisser la place au débat, je voudrais mentionner un autre intérêt du, cette fois-ci pas spécifiquement de Marx, mais du courant radical, hein, ces économistes américains dont j'ai expliqué l'origine tout à l'heure, hein, au début des années 70. Si je reprends l'histoire du capitalisme exposée par Marx, il y a un point qui est intéressant que je n'ai pas mentionné, c'est que la forme concrète de la direction, elle évolue dans les entreprises. Hein. J'ai parlé au début, en simplifiant, de hiérarchie ou d'organisation pyramidale. Mais concrètement, dans les entreprises, au fil du temps, cela évolue. Pourquoi ? Parce qu'à mesure que le capital, par sa concentration, devient capable de mobiliser un nombre plus grand de travailleurs, il va y avoir des résistances. Hein, et en réponse, le capital va accroître sa pression pour vaincre cette résistance et extraire davantage de plus-value. Donc cette lutte donne lieu à des transformations de l'organisation de la production. Et la direction se perfectionne pour répondre à la résistance qu'elle fait elle-même naître. Hein, donc ça, c'est la dialectique telle qu'elle est de la production, telle qu'elle est exposée par Marx. Et une fois que la concentration d'argent est suffisante pour se transformer en capital, eh bien, le possesseur se décharge du travail manuel. Alors, il surveille d'abord lui-même les ouvriers, puis au fil de l'accroissement de son capital, il se décharge même de la fonction de surveillance. Il va transférer cette tâche à ce que Marx appelle une espèce particulière de salarié. Et de cette façon, l'accroissement du capital et du travailleur collectif donne lieu à un processus de délégation en chaîne, en cascade, dont on voit l'aboutissement aujourd'hui, hein, avec l'importance des cadres, etc. Donc délégation du pouvoir de direction. Et donc Marx analyse cette montée de la hiérarchie dans la mobilisation de la force de travail comme forme de la division du travail. Justement, un des intérêts, il me semble, de la réflexion des économistes radicaux américains, alors pas spécifiquement de Marx, mais d'un certain nombre de ses collègues, c'est d'avoir cherché à partir d'un certain nombre d'études de cas et de nouvelles connaissances historiques sur le développement du capitalisme, replacer la division du travail au centre de leurs problématiques. C'est notamment, hein, je pense en particulier, au cas de la théorie de la segmentation du marché du travail, Donc là, ce sont des auteurs comme Edward Gordon Reich et surtout Catherine Stone, qui se sont penchés sur ce que la théorie orthodoxe, la théorie dominante en économie, avait délibérément ignoré, à savoir ce qui se passe dans l'entreprise, dans la boîte noire. Et à partir du cas américain, cette théorie de la segmentation va distinguer trois grandes périodes correspondant à ce qu'ils appellent trois structures sociales d'accumulation, c'est-à-dire un système de règles qui organise le processus d'accumulation. C'est une notion, pour ceux qui connaissent, qui est proche de celle du régime d'accumulation, hein, qui est proposée par les auteurs régulationnistes. Donc ces trois étapes sont les suivantes. Ils distinguent ce qu'ils appellent la prolétarisation initiale, de 1820 à 1890. Alors c'est des dates qui peuvent paraître tardives, hein, mais c'est sur le cas américain. Donc cette prolétarisation initiale, 1820-1890, c'est l'émergence du salariat américain. Le problème pour les capitalistes aux États-Unis, c'est que non seulement il n'y a pas les enclosures, mais il y a tout le contraire, il y a la conquête de l'Ouest. Hein, il y a des terres disponibles en très grand nombre, et donc la main-d'œuvre industrielle potentielle, elle est relativement peu nombreuse, et donc cette main-d'œuvre va provenir des ouvriers agricoles sans terre, des femmes, des migrants. On va avoir recours beaucoup à l'immigration aux États-Unis. Et puis, la subordination de la force de travail va être entravée par la diversité de cette main-d'œuvre et par le contrôle que de nombreux salariés, artisans, exercent encore sur leur propre travail. La deuxième étape, c'est ce qu'ils appellent l'homogénéisation, hein, donc là, jusqu'aux années 1940 à peu près, dans laquelle les capitalistes augmentent la productivité par la mécanisation, le recours à des contremaîtres plus nombreux, l'utilisation privilégiée du travail simple. Bon, c'est en fait ce que décrit Marglin, hein, ce à quoi il s'intéresse, c'est son objet. Ça implique une augmentation de la taille des unités productives pour amortir les coûts. Et face aux résistances, il y a des stratégies institutionnelles qui vont consister à diviser les travailleurs entre eux. On retrouve la thèse de Marglin, hein, la division du travail, c'est fondamentalement diviser pour régner. À la fois les diviser dans leur expérience de travail, ça c'est ce qu'explique Marglin, mais aussi les diviser sur le marché du travail, au niveau syndical, ou en opposant les uns aux autres selon leur couleur de peau, etc. Troisième stade, donc troisième structure sociale d'accumulation, c'est la segmentation, proprement dite, à partir des années 1940, avec cette fois-ci une procédure de résolution des conflits, des licenciements selon des règles fixes, hein, à l'ancienneté, etc. Et en échange, des syndicats qui vont renoncer à leurs revendications en matière d'organisation du travail. Ceci étant négocié, les syndicats américains, autrefois très puissants, s'abstiennent de tout regard sur l'organisation du travail. Voilà, je pense que... On va s'arrêter là. Et on peut peut-être commencer par des questions de... Enfin, voilà, j'ai peut-être pas été clair sur tous les points, donc n'hésitez pas. Ce que je propose peut-être, c'est qu'on prend quelques petites questions, vraiment questions, et après on fait une petite pause rapide avant de reprendre la partie plus débat. Donc s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de pause. S'il y en a d'autres. Peut-être que tu commences par répondre et puis peut-être qu'il y aura une deuxième question. Et juste une question, c'est détaillé par rapport à ce que j'ai dit sur la citation de Samuelson, ou c'est par rapport à ce que tu as peut-être lu dans ce que dit Marglin lui-même sur le... Parce que effectivement, ce que j'ai dit, c'était une citation de Samuelson, donc bien antérieure à ces courants-là, et ces courants-là, même si Cause le premier auteur de cette économie néo-institutionaliste, lui, il a écrit plus tôt, mais l'essentiel de ce courant-là, c'est postérieur à Marglin, et c'est même, on peut le penser, en tout cas, c'est une thèse qui est développée dans l'introduction par Bruno Tinel, en bonne partie en réaction à ce qu'a pu écrire, alors pas seulement Marglin, mais à ce qu'ont pu écrire les radicaux américains, que Williamson, etc., ont développé leur thèse. Après, je suis pas sûr d'avoir répondu à la question. Ouais. Ok, bon, je propose de faire une petite pause. Partez pas trop loin. On reprend à 6h15. Ça me permettra de réfléchir à la question.